Cependant, vous savez, le problème chronique de la fédération, de la communauté française, comme de la communauté française, c'est un pouvoir public qui n'a pas de possibilité de lever un impôt. Autrement dit, il est financé par des rétrocessions d'argent du fédéral. Autrement dit, il en a de moins en moins, puisque le fédéral lui-même a des problèmes. Et donc, à l'inverse, en communauté flamande, c'est une fois de plus, je dois saluer ici la clairvoyance et l'intelligence flamande en la matière, c'est que là, ils n'ont pas fait la différence, enfin, s'il y a une différence entre communauté et région, mais la région flamande finance directement la communauté flamande. Donc, la communauté flamande a en fait beaucoup plus de moyens que la communauté française. Outre le fait qu'elle a pris ces divers décrets beaucoup plus tôt et qu'elle a contractionnalisé ce secteur beaucoup plus vite, tout en faisant alors des économies de moyens également. Alors, en 88, oui, je vous mentionne la loi spéciale de financement donc, qui régule ces flux financiers entre le fédéral et les entités fédérées. Et alors, évidemment, il y a l'émergence des idées dites néo-managériales. Donc on va arrêter de gérer les fonds publics comme on l'a toujours fait en bon père de famille, c'est-à-dire qu'on l'a fait toujours en père de famille, parce que sinon j'en aurais plein de l'étonnement, etc. Mais ça existe quand même aussi. Mais on va reprendre en fait des idées de management qui viennent du secteur privé. Et ce n'est pas toujours facilement applicable tel quel dans le secteur public. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec des opérateurs culturels, mais avec le ministère dans lequel je travaille. Voilà que l'an dernier, notre ministère a conclu un contrat d'administration avec le gouvernement de la communauté française. Autrement dit, le gouvernement s'engage envers l'administration à financer tout ce qu'elle aura mis dans ce contrat d'administration, pour autant qu'il l'ait approuvé, bien sûr. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, j'ai envie demain que mon service organise un événement du genre un colloque ou une exposition ou quoi, et ça n'est pas dans le contrat d'administration, sinon je n'ai pas en valeur. Donc, ça c'est le genre de contrainte qu'induisent les accords qui régulent des flux financiers entre parties. Et ça fait partie du management, parce qu'évidemment le contrat d'administration se décline après en contrat d'objectif, en plan stratégique, en programme d'activité, il y a tout ça. Et là, l'administration, enfin, en communauté française, en tout cas, c'est en pleine évolution parce qu'on est tous en train de travailler là-dessus, en plus de travailler normal là-dessus. Et donc, on a fait des fiches projets avec. Moi, je suis sponsor pour différents projets, je me suis fait avoir. Je travaille, je suis chef de projet, ou je suis chef de projet adjoint, et donc j'ai tout fait qu'est-ce qui est différent de différents niveaux. Et tout ça, ça fait partie de ce néo-management. Alors, l'objectif est de responsabiliser et de professionnaliser les secteurs culturels dans un processus de contrepartie. Je viens de vous expliquer ça entre un pouvoir public et son administration, mais c'est le même principe. Quand vous avez des conventions d'agrément ou de reconnaissance ou des contrats programmes qui est lié à des entreprises, par exemple, ben, la communauté française donne une somme d'argent et en contrepartie, le bénéficiaire de cette somme d'argent s'engage à une série de choses. Il y a un cahier de choses. Et donc, on essaye comme ça de responsabiliser et de professionnaliser les secteurs. Enfin, les secteurs. Alors, aujourd'hui, là, nous sommes plein dans la globalisation de la culture. Donc, des pouvoirs publics comme la communauté française ou la communauté flamande dans notre pays, mais la communauté germanophone s'y met aussi. Et je vous rappelle que la région de Bruxelles capitale, suite à la 6e réforme de l'État, a hérité également des compétences culturelles, donc elle s'y met aussi. Tous ces pouvoirs publics compétents en matière de culture doivent en plus s'intégrer dans les politiques culturelles internationales. Évidemment, le premier échelon qu'on voit chez nous, c'est l'Union européenne, mais il y en a d'autres. Hein, bien sûr, j'en parlerai un peu plus d'ailleurs quand vous avez la chance de parler, notamment l'UNESCO. Donc, vous connaissez tous les biens culturels immatériels reconnus par l'UNESCO, du genre les Gibraltar. Ben, ça veut dire que quand l'UNESCO prend une convention, pour autant que le pays l'ait signé, donc la Belgique par exemple a signé une série de conventions UNESCO, eh bien, elle s'engage, la Belgique, à adapter sa législation au contenu des conventions internationales. Ce qui n'est pas toujours évident, parfois ça prend des décennies. Et donc en attendant, on fait un peu de la politique à la petite semaine. Alors il y a aussi le fait que les biens culturels, comme vous savez, sont de plus en plus souvent et à mon sens, malheureusement, considérés comme des produits de consommation. Ça entraîne des dérives, de nouveau, en termes de l'idée. C'est un exemple très récent. Est-ce que certains d'entre vous ont visité la Boverie à Liège? La Boverie a dernièrement exposé la collection là, de grand-père Van Sinclair, avec tous les tableaux radios. Eh bien, figurez-vous que parmi ces tableaux se situent des biens classés par la communauté française. Un bien classé a besoin d'un accord ministériel pour quitter le territoire. Mais la ville de Liège, qui est donc le pouvoir public qui gère la Boverie, c'est la musée commune, a délégué ses fonctions d'organisation d'exposition à une société privée qui s'appelle Tempora, en tout cas, laquelle, pour assurer une bonne circulation de l'exposition de par le monde, a pris des accords avec d'autres opérateurs privés du même acabit, donc des organisateurs d'exposition, ailleurs, dans d'autres pays, notamment à Paris, avec la SDL Culture Espace, la Société Culture Espace, et s'est donc engagé à lui prêter les toiles qui se trouvaient exposées à l'époque. Il y avait de la collection d'un 5e, ça ne posait pas de problème, mais avait été ajouté à ça pour enrichir les collections, des trésors classés, là, dans les leurs tableaux de la vente de Lucerne, propriété de la ville de Liège, qui donc devait avoir une autorisation ministérielle pour quitter le territoire. Donc, en fait, un jour, on a vérifié une demande formulée par la société Tempora d'autorisation d'exploitation d'œuvres. Mais d'abord, c'est pas eux qui s'occupaient de ça, c'est un propriétaire de l'œuvre, avec toute une législation, ils m'ont respecté. Et puis, quand la ministre a répondu en disant je laisse partir ça, mais pas ça, parce que s'ils bougent encore, ils vont être irrémédiablement non restaurables, eh bien, ça prouve qu'en fait, ces gens, un cahier de ce qu'ils veulent, c'est pouvoir la montrer ailleurs, parce que c'est prestigieux, parce que ça va apporter du public et donc de l'argent, et donc ça va être rentable. Donc dans ce cas-là, c'est considéré clairement comme un produit de consommation, et ils ne se soucient absolument pas du fait qu'il faille conserver, faire de la préventive ou curative selon les cas, et qu'une œuvre, comme par exemple les Manet qui sont exposés à Tournai, qui sert tout le temps de monnaie d'échange aussi entre le musée de la Tournai et les musées à gauche et à droite, pour que le musée de Tournai lui aussi puisse avoir un échange des expositions de prestige, et c'est une catastrophe. Alors moi je ne suis pas pour la conservation des œuvres à tout prix, mais en tant que directrice du patrimoine culturel, je ne peux pas accepter ça. Même si pour moi une œuvre, dès le moment où elle est créée, elle a une durée de vie. C'est comme ça, comme toute chose sur cette terre. Mais c'est clair qu'un Manet et qui voyage de par le monde et qui revient à la saison 4, et comme ça, il doit aller en restauration, ça coûte des millions, des milliers d'euros. Et puis après ça, il n'a pas de revenu, il est supposé presque se reposer pendant 2 ans, et puis hop, on va faire une tournée, il est là, ça ne va pas. Donc ça, moi, je suis, pour moi, moi, c'est malheureux que les biens culturels deviennent des produits de consommation. Mais je sais que des collègues le pensent. Alors, il y a aussi une apparition de concepts plus protecteurs. Ce qui est quand même paradoxal quand on se souvient qu'on est dans un processus de démocratie culturelle. On va parler d'exception culturelle, de diversité culturelle. Alors, protecteur, diversité culturelle, c'est un peu antagoniste. Mais en même temps, c'est pas tellement protecteur, c'est plutôt, je dirais, garde. Parce que, objectivement, la diversité culturelle, elle existe. C'est pour ça qu'elle est respectée. Mais elle existe. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est garantir qu'elle subsiste. C'est pas nécessairement la protéger, elle peut évoluer. Parce qu'attention, on peut dans l'utilisation des langues de protection, il peut y avoir aussi une tendance à figer. Alors que les choses, elles bougent, elles évoluent tout le temps. L'exception culturelle, par contre, ça s'apprécie parce que, je ne sais pas moi, imaginons la société des Blancs aussi à ce tableau, il n'y aurait pas de relais, il n'y aurait pas des jeunes qui veulent devenir Blancs aussi en perpétuer les traditions de la société carnavalesque. Ben, au fur et à mesure que les vues de la société décèdent, si on ne veille pas à préserver cette exception culturelle, la tradition, c'est à de nouveau moi, en tant qu'académie individu. Je ne comprends pas. Il y a plein de traditions qui sont déjà éteintes, il y en a plein qui naissent. Mais quand on est un pouvoir public, on est quand même obligé de veiller à la protection justement de cette exception. Alors, le rôle des programmes culturels européens, ça j'en parlerai aussi après les vacances de Pâques, mais c'est évidemment fondamental. Un exemple de nouveau d'actualité. Là, au sein du service, nous sommes occupés à travailler avec l'administration générale de la culture sur des propositions à formuler à l'Union européenne qui a décrété que 2018 serait l'année européenne du patrimoine. Et donc, ça se fait toujours dans des délais raisonnables. Parce que ça veut dire que nous, là, pour faire un prix, on doit avoir établi une liste de critères d'agréation, de labellisation d'une série d'événements qui sont programmés en 2018 par les opérateurs culturels qu'on subventionne. Vous n'imaginez pas, là, quoi, consulter une centaine de musées, 15 centres d'archives, je ne sais combien de sociétés archéologiques, etc. Tout ça est fait un livre, on doit avoir fait une note qui part au cabinet après avoir été avalisé par un tel truc et machin. Donc, on ne peut pas ne pas faire ça, mais c'est tout travail dans l'urgence. Et là, de nouveau, ça, c'est une politique culturelle, c'est valorisé par le patrimoine européen. Le patrimoine européen, c'est un autre débat. Mais les pouvoirs publics des nationaux ou communautaires doivent toujours être sur la balle et voir ce qui va sortir. Parce que par exemple, on a depuis 3 ans le label du patrimoine européen, et donc chaque pays propose un site patrimonial, qui est aussi bien le patrimoine mobilier qu'immobilier, pour obtenir le label du patrimoine européen. Donc il y a 2 ans, la Belgique a obtenu le label pour le Mondanéum en plus, avec des collections d'archives et le lancé sur Internet. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site, c'est pas mal. Et cette année, la fin 2016, j'ai présidé le jury et il y a 2 candidatures qui ont été transmises à l'Europe maintenant, qui sont le Voilier et le Tordenberg. Et c'est pour ça qu'il va être labellisé par le programme. C'est des propositions du pays qui répond à une politique culturelle, une demande culturelle de l'Europe, et puis l'Europe décide. Mondanéum a été labellisé. Donc ici, on espère qu'il y aura un programme des deux qui le sera, et ça sera vraisemblablement bruxellois, puisque c'était là, en Wallonie, à faire un logique, c'est plutôt vous ménager à chez Péchou. Donc le prochain, ce sera sûrement à Flandre. Alors, en communauté française, il y a différents services, si vous voulez, ou organes, qui ont été créés pour répondre à ces politiques culturelles internationales. Donc, il y a ce qui s'appelait le CGRI, qui aujourd'hui s'appelle l'EDI, pour les multinationales, et qui donc gère en fait une relation internationale de la communauté française, mais aussi, depuis que c'est l'EDI, de la région Wallonne. Pas les aspects économiques, ça c'est l'inverse. Mais les aspects de tout ce qui sont les matières personnalisables relevant des compétences communes. Alors, il y a des délégations à l'ONU Bruxelles, un peu partout dans le monde, dans tous les pays, il ne faut pas rêver, ça coûte un poum. Mais la plus connue, c'est à Paris, en face de Beaubourg, donc c'est quand même pas rien, et qui fait quand même des expos suivant la réduction évidemment qui est en place, on avait les peintures qui étaient très beaucoup. Il m'est arrivé d'être envoyé par exemple, tout à fait pas contre mon gré, mais du jour au lendemain, je me suis retrouvée à Poznan, en Pologne, représentant la ministre de la Culture de l'époque, Mme Hanan, à une réunion avec les pays d'Asie du Sud-Est, c'est l'Union européenne d'Asie du Sud-Est. Et donc je suis arrivée là, j'ai été accueillie par le délégué de la Pologne-Bruxelles, de la Pologne et les Pays-Bas. Je me dis, mais eux, dans la liste, quelles sont les instructions? Il y avait le délégué charmant qui était là aussi, qui devait parler, qui devait il n'avait rien. Donc notre délégué permanent sur place pour coordonner des choses dans la culture de l'élégué. Et donc il y a des délégués comme ça, c'est pour ça que j'ai cet exemple-là, qui sont beaucoup en Europe. Il y en a un aussi à Kinshasa, rapidement. Il y en a un, je pense, à Dakar. Il doit y en avoir un aux États-Unis. Enfin, mais ça coûte très cher, c'est un peu comme des ambassades, quoi. Donc, la fédération n'en a pas de place. Et alors, il y a aussi ce qu'on régule via des accords de coopération. Ça, c'est entre pays. Comme vous imaginez, bazar, puisque la Belgique est tellement. Et quand il y a une réunion pour un accord de coopération, par exemple, avec le Maroc, bah, à la réunion du côté marocain, il y a un délégué, éventuellement ils sont deux, et puis du côté belge, bah, il y a la communauté germanique, la communauté française, la communauté flamande, et maintenant la région bruxelloise. Et donc il y a des accords qui sont signés avec, par exemple, il y en a eu un avec le Chili il y a quelques années, où c'était une valorisation muséale des résultats des fouilles dans le désert d'Atacama au Chili. Et alors, il y avait des experts de la communauté qui allaient là-bas, et puis il y avait des Chinois qui venaient ici, etc. Il n'y en a pas énormément, mais c'est des missions diplomatiques importantes pour les entités compétentes en matière culturelle. Donc la transformation des industries culturelles audiovisuelles, avec la notion évidemment de biens culturels immatériels qui se pointe là, indépendamment des traditions du carnaval. Hein. Ici, on parle bien de la virtualisation, si je peux dire, de biens de concept, donc on parle d'Internet. Et de la sphère Internet qui n'a pas de frontières et qui n'a pas de matérialité. Il n'y a pas de territoire. Et vous voyez comment c'est difficile à gérer. Alors là aussi, c'est là que la bagarre est la plus féroce, évidemment, à aider tout cela, parce que maintenant on a pu utiliser aussi sur le terrain, le vrai terrain. Mais sur ce terrain virtuel, c'est là que les bagarres ou les oppositions entre pouvoir public et entreprises privées se sont fait jour très rapidement. Hein. Vous voyez, par exemple, les télévisions publiques, genre TF1, à l'époque, hein, je parle d'avant, il y a 20 ans, on n'était pas libre, c'était une télévision publique, où la RTBF qui est toujours, et puis il y a l'émergence de Canal+, d'abord RTL et Canal+, bah, il faut que les pouvoirs publics adoptent eux aussi leur diffusion, leur programmation, etc., parce que sinon ils perdent tous leurs téléspectateurs. Enfin, tous nous. Et donc, en fait, la communauté française a trouvé le moyen d'un peu réguler le secteur par la délivrance des droits d'accès. Donc, par exemple, les radios libres, hein, vont avoir la fréquence FM, elles doivent avoir un accord de la communauté française en francophonie. Et j'imagine de la communauté flamande. Sur le Brousseau. Hein? Sur le Brousseau. Ah, non, bien là. Quel nom? La madame. C'est quel? La mère. Ben, ils ne peuvent pas diffuser les arts. Hein. Moi, je choisis tel canal. Non, il faut la population, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils régulent un petit peu et qu'ils continuent à avoir un semblant de contrôle sur cette dématérialisation culturelle. Alors, on a aussi, donc, depuis la fin des années 90, l'application des référentiels culturels. Donc ça veut dire, vous savez, qu'il y a une série de mouvements sociaux qui ont des revendications en matière culturelle. Et il y a une opposition, en fait, entre ce qui a été mis en place avec le formatage, hein, dont vous parlez tout à l'heure, des politiques culturelles, et les revendications de ces groupes nouveaux ou qualifiés de dissidents, des réactions, etc. Mais qui ne veulent pas rentrer dans les règles et qui veulent quand même exister. Donc ça aussi, c'est un problème, que, enfin, un problème. C'est un paramètre que doit prendre, que doit plus faire. C'est pas un cri de. Donc ils doivent prendre en compte les politiques culturelles doivent tenir compte de ces nouveaux paramètres émergents. Elles doivent essayer de s'adapter. Et alors elles essayent, mais le processus d'adoption de nouvelles législations, etc., est évidemment très long. Parfois, une fois qu'on arrive à l'aboutissement d'un décret enfin voté et surtout de son arrêté d'application qui permet de l'appliquer dans les faits, elle soit à nouveau changée, on recommence. Le décret visé avait été modifié une fois en 2012. Et là, on est en train de réfléchir à plein de modifications parce que le paysage muséal évolue et change, notamment sur les pôles muséaux, donc il faut établir les paramètres. Alors, il y a aussi, suite au processus de démocratie culturelle, les beaux-arts ont été un peu mis à l'huche, comme ça, hein, comme on dit, à la porte. On les a un peu. À mépriser, mais. Et donc, on a essayé de redorer le blason, en tout cas en communauté française, en créant de grandes institutions, enfin, les institutions qu'on voulait devenir grandes, comme ben, vous connaissez sûrement ces trois-là, qui est déjà le musée de la photo. Ça, c'est plus un beau musée. C'est un sous ma chaîne, il y a pas. Mais si vous avez une voiture et un dimanche, quelques heures à peine, allez-y. C'est bon. En plus, c'est dans un ancien carnet, et puis il y a une nouvelle aile moderne, et c'est super beau, les cultivés sont des super cultivés. Le centre de la gravure, vous aimez la gravure. Et alors, le centre de la tapisserie, c'est un peu le vouloir. Hein. C'est quelque chose qui nous fonctionne très bien d'ailleurs, et qu'on va travailler là-dessus, parce que tel qu'il est conçu, ça marche pas. Mais bon, donc ça, la musée de la photo, le centre de gravure, le centre de la tapisserie font partie de ces musées hors décret. Je vous parlais tout à l'heure. Le musée de la photo, ben parce qu'il a par exemple 550 000 euros, et en plus il vient d'être valorisé à 750 000 euros, donc il rentre du coup dans le décret tel qu'aujourd'hui. Là aussi, il va falloir qu'on adapte le décret au nouveau paramètre. Alors, ça a permis aussi la création de ces musées. Des initiatives architecturales. Hein, donc, on n'est pas évidemment dans Frank Gehry ou bien Jean Nouvel, hein, c'est pas ça. En communauté française, ça me fait un peu de mal. Okay. Mais, je vous parle du musée de la photo, c'est un ancien carnel, début 20e, fin 19e, en vieille rue. Et puis, il y a l'extension, qui est une aile moderne. C'est très bien intégré et ça, c'est une création architecturale. Alors, il y a un souci aussi de valoriser l'architecture qui est beaucoup plus bizarre, n'est-ce pas, par ces entreprises de création. Alors, je vous l'ai déjà dit, le secteur culturel est de plus en plus marqué par des pratiques managériales, comme le marketing culturel. Donc, beaucoup d'étudiants prétendent que ça, sans citer de source, oui, il y a des idées. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait in the move en marketing. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'une société privée. Et donc, parfois, ils font avec leur officiel et leur père. Mais il y en a qui sont encore très bien. Et alors, oui, la résistance existe face au partenariat public-privé. Alors, ça, c'est quand même de moins en moins le cas. Hein, nous avons une étudiante ici présente qui consacre son mémoire au musée de la photo et à son initiative de vendre aux enchères l'an dernier pour renflouer ses caisses. C'était avant qu'il soit des 200 000 euros de subvention supplémentaire. Les musées donc doivent multiplier de toute façon leur source de financement parce que de toute façon la tendance veut que les pouvoirs publics adviendront de moins en moins financièrement parce qu'il y aura moins en moins de sous et parce que le monde est ce qu'il est. Donc ils doivent diversifier leurs sources de financement. Et donc il y a des musées aussi comme le musée de Marion, qui est quand même le musée de la communauté française, qui a de fonctionnement plus d'1 million d'euros par an, plus tout le personnel, hein, 80 personnes quand même payées par la communauté française, plus les bâtiments qui appartiennent à la communauté française. Eh bien eux, ils ont fait leur expo là, et grâce au crowdfunding. Ça fait plein de souhaits. Donc c'est un des conservateurs qui s'est dit, voilà, conservateur par conservateur, qui s'est dit, oh, on va essayer ça et ça a super marché. Alors il y a, il peut y avoir aussi la recherche, mais ça c'est plus ancien comme méthode de sponsoring, de mécénat. Le mécénat c'est plus dur, hein, il faut passer par Promethea en Belgique pour essayer d'obtenir de vrais mécènes. Mais par exemple, pour vous dire, moi-même, au sein de mon service, avec le petit budget que j'ai, pour une grande collection dont le service est responsable, parce qu'on a quand même 60 000 pièces de collection appartenant, soit à l'État belge, gérée par la communauté française, pour moitié par les Flamands, soit à la communauté française elle-même, quand je dois restaurer un Paul Delvaux qui coûte 30 000 euros et que j'ai un budget restauration annuel de 25 000 euros, je fais quoi ? Comment ? Je vais à la Fondation Barreau, voilà. Sur le fond, on a fait un truc, là, je ne sais pas moi, le tableau se trouve dans tel musée. Alors, il y a un fond dont le donateur avait spécifié que si c'était pour sauver du patrimoine culturel immobilier qui se trouvait dans telle entité territoriale, on pouvait utiliser ce fonds pour ça. Et voilà, yes. La Fondation Barreau paye la moitié de la restauration. Mais donc, ben nous, pouvoir public, on est contraint de faire ça. C'est d'ailleurs, là, on est en train de discuter sur des projets où on va dire, en fait, on va essayer. Mais bon, il y en a qui sont un peu réticents, évidemment, parce que, oui, là où moi, j'ai quand même un problème, c'est quand je vois, et y compris au sein des musées de l'UEB, par exemple, quand je vois qu'un musée, ok, a obtenu un sponsoring, mais c'est par exemple, j'invente, hein. Je ne sais pas moi, Total, ça me pose quand même un problème éthique. Et à la dimension éthique, je trouve que des institutions culturelles doivent, publiques, doivent plus prendre en compte que. Sans oublier que dans le cas des musées, il existe un code éthique des musées, émanant de l'instance internationale qui est le Conseil international des musées, qui a donc. Une couverture mondiale, puisque c'est le même niveau que l'UNESCO. C'est plus ou moins une fille de l'UNESCO, mais donc ça couvre la planète. Donc tout ça, ça fait que de nouvelles formes d'intervention publique se sont développées et continuent de le faire autour de 4 éléments clés, que sont les procédures normatives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les règlements, etc., les décrets, les conditions, les critères, tout ce qui fait que chaque institution subventionnée doit respecter des normes pour obtenir des fonds publics. Il y a la contractualisation. C'est quoi la contractualisation ? Ben, c'est le fait que l'opérateur qui bénéficie de la subvention, puisqu'il est agréé, signe un contrat avec le pouvoir public, puisqu'il y a une convention ou un contrat programme ou une agrégation, il y a différents types de documents, mais qui en fait veulent plus ou moins dire la même chose. C'est un contrat, parce que quand vous signerez votre contrat de travail, voilà, ce sont les missions qui vous sont imparties et en échange, vous percevez votre salaire. Alors, il y a la transparence, ça c'est surtout par rapport au compte, je l'ai déjà évoqué. Il faut quand même dire que dans la plupart des cas, c'est resté. Il y en a toujours qui essayent de reconnaître, qui vraiment ne savent pas, ne le font pas exprès de rendre comme justificatif. Vous avez un petit musée comme celui de la base militaire, le First Green Historical Center de Bourges. Donc, ils ont un musée d'avion, de base militaire. Et c'est une petite SBL avec tous les gens pensionnés, notamment des anciens de chasseurs. Et ces gens-là n'ont jamais géré un budget, ils n'ont jamais rempli un dossier. Donc, je ne dis pas les premiers dossiers qu'on a reçus pour les dossiers sont reconnus comme institution muséale, pas comme les premiers dossiers qu'on a reçus, vraiment, j'envoyais de la première fois. Bon, alors ils apprennent, mais au début, ils ne savaient pas, et donc, ils nous envoyaient par exemple une facture pour, je ne sais pas moi, ils étaient allés au restaurant, et ils nous disaient pourquoi, c'est le même travail, etc., ou le contexte, etc. Ah non, je ne sais pas, mais. C'était à midi, on avait travaillé au musée le matin, après j'ai pas bon, on paye pas la tartine, donc il faut quand même. Donc voilà, ça, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'ignorance. Même si nul n'est censé ignorer la loi. Et la réflexion, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, la réflexion? Alors, vous ne réfléchissez pas. Ça veut dire justement qu'on réfléchit. Autrement dit, que le pouvoir public veut créer des organes de réflexion du genre, de l'observatoire ou politique, qui sont en fait des espèces de centres de recherche. Ou certaines instances d'avis, puisqu'ils sont composés d'experts, on sait pas ou qui ont des compétences, une expérience, etc. Peuvent échanger et nous convaincre. Alors, j'ai l'air de me foutre de ça, mais c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où vous avez. Le ministre, c'est Mme Hidalgo. Elle n'est pas restée longtemps, j'en conviens. Elle était juriste, qui a été ministre de l'Intérieur, enfin, qui a eu toute une carrière politique, et puis qui arrive comme ministre de la Culture en communauté française. Pas déjà là. De toute façon, elle avait l'enseignement obligatoire à côté, donc ça l'occupait. Et alors, elle, en fait, chaque fois qu'on lui envoyait un truc, par exemple, elle voulait modifier toutes les conventions des musées en ajoutant toute une série de demandes. Et donc, c'est pas dans le décret, c'est pas dans l'arrêté, vous pouvez faire ça aussi. Donc, elle a fait ça. Les musées, évidemment, se sont révoltés. Alors, nous, on a fait passer la pilule en disant, de toute façon, si vous lisez bien, c'est dans le décret, mais avec d'autres mots. Hein, et elle a un peu transformé, mais c'est parce qu'elle voulait ça. En fait, cette ministre n'est pas vraiment compétente pour ça. D'où l'importance d'avoir des organes de réflexivité. Mais encore faut-il que le ministre soit à l'écoute de ces organes de réflexivité. Alors, pour revenir en gros sur ces quatre éléments fondamentaux, il y a les procédures normatives. Donc, je vous ai déjà parlé, on ne va pas s'étendre là-dessus, des instances d'avis. Conseillère qualitative des responsables normatifs. Donc il y a un décret évidemment qui régule les responsables. Il y a certaines prérogatives de l'administration qui ont été externalisées. C'est souvent sous forme de convention entre l'administration et un opérateur, en général une SBL ou un centre de recherche universitaire d'ailleurs, à qui on confie par une étude. Donc on a fait ça il y a quelques années, on a fait ça pour la fréquentation des musées le premier dimanche du mois, qui est supposé être gratuit, et qui vont voir si la mesure avait l'effet escompté. Il n'en est rien. Maintenant, la ministre actuelle peut revoir tout ça. Donc, ça, on fait appel à un organisme de sondage extérieur. Quoi. C'est pas nous qui allons faire ça avec notre propre idée de vue. Et en plus, on n'est pas spécialiste en sondage. Hein. Alors, il y a aussi, dans cette externalisation, évidemment, il y a des dispositifs d'évaluation. Hein, on ne va pas non plus les donner à n'importe qui. Donc, il faut que les évaluateurs, par exemple, soient indépendants pour juger de toute cette utilisation des fonds publics. On clarifie les méthodologies, donc on passe notre temps à faire des pas des méthodes. Je parlerai la semaine prochaine de l'ABC des démarches, par exemple, qui est en ligne. Vous pouvez vous aider si vous résoudre votre cas. Il y a donc la formulation des critères objectifs, ça j'en ai déjà parlé aussi. Alors, ça c'était donc le premier point. Le deuxième point, contractualisation. Donc, les projets sont négociés, je vous l'ai dit, contrats, programmes, conventions, etc., à durée limitée. Donc, un musée, quand il est reconnu, c'est pour 4 ans. Donc, sa convention, ça va être 4 ans. Un centre culturel, c'est 5 ans. Donc, il y aura un contrat programme de 5 ans. C'est rarement plus que 5 ans. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un. Parce qu'ils ne sont pas obligés, donc ils doivent remettre un rapport d'activité, ils font des bilans chaque année, et le budget et le programme d'activité l'année suivante. Et ils ne sont pas obligés, à la fin de chacune des années de leur convention ou leur programme, de faire un rapport complet par rapport au plan stratégique qu'ils avaient introduit avant leur organisation. Donc, nous, on ne veut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, une institution qui dérive. Ben, si on ne fait pas le contrôle dans un meilleur coup ou après 4 ans, ben, après 5 ou 6 ans, il va pas dans le mur. Et ce foutu, c'est de l'argent public de la fin. Et donc, il y a une espèce de suivi qui se fait par la durée de ces contrats. Alors, il y a aussi donc, la délégation, l'externalisation des missions de service public. Pourquoi je mets ça? Parce qu'évidemment, quand un musée est subventionné, le musée fait quoi? Le musée, il met le patrimoine à la disposition des citoyens, des communautés, des populations. Et donc, l'administration ne faisant pas elle-même de la dissémination culturelle, eh bien, elle subventionne des opérateurs qui s'inquiètent des outils ou des intermédiaires pour amener la culture chez les usagers. Et d'ailleurs, si vous prenez la déclaration politique communautaire du gouvernement actuel en communauté française, c'est un de ses objectifs, c'est qu'on remet l'usager au premier plan. Les opérateurs que sont les centres culturels, etc., ne sont que effectivement les infirmières et les outils. Donc en fait, on délègue une mission de service public à un opérateur. Ah oui, alors il y a le cas de la FDDR qui est autonome dans sa gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son personnel, c'est le personnel comme le français, mais que ses sous, on peut les gérer sans la contrainte de l'annuité. Donc c'est pas un budget annuel. Elle peut thésauriser, faire un projet, thésauriser de l'argent pendant 3 ans et puis l'utiliser après 3 ans. Moi, je peux pas faire ça dans l'annuité. Moi, si j'ai pas utilisé mes lignes budgétaires le plus loin possible à la fin de l'année, l'année suivante, c'est perdu. Et à la limite, je vais avoir l'année suivante un montant qui va être adapté à ce que j'ai utilisé l'année précédente. Tandis que alors, le musée de Marivaux aussi a une gestion individuelle, enfin, spécifique pour son budget, qui lui permet aussi de recevoir parfois des donations en argent. Alors, l'ethnique, c'est un grand mot. L'ethnique, c'est donc qui est en charge de tout l'aspect informatique de l'administration de la communauté française. Et donc, c'est indépendant du ministère, indépendant du secrétaire général qui est patron du ministère. Et c'est une catastrophe. On dépend de eux pour tout. Vous voulez une nouvelle imprimante? Enfin, une fiche projet. On l'envoie à l'avenir 6 mois après, si ça va bien, vous aurez une nouvelle imprimante. Donc, là, maintenant, de toute façon, on n'a même plus 3 imprimantes dans les locaux. Genre, vous l'avez une, pas tant qu'elle meurt. Parce qu'on a par service, X, je crois que c'est 20 agents à maintenant. Machine là, qui imprime, qui scanne, qui fait plein de trucs, qui fait 3 km pour aller jusqu'à la machine, et qui font Alger, et tout comme ça, et ça vient. Qui imprime autant de pages en couleur, en visible, etc. Et ça, c'est les coûts. Alors, l'autre jour, quand on a reçu cette nouvelle machine en courant, quand je suis partie là, en Lorraine, à l'époque, je suis revenue quelques jours après février, elle était toujours. Et je crois qu'ils l'ont réparé. Bon, après j'étais dans la capacité de travail, mais je crois qu'ils m'ont dit ça. Alors que c'est l'agence qui ne fait que ça. Donc l'externalisation a vraiment demandé aussi également. Alors les contrats programmes, les conventions, j'en ai parlé. Hein, ça va de soi. Oui. Il y a ça aussi, c'est que, évidemment, quand on demande à des des musées, par exemple, quand ils ont la possibilité de demander une agréation, s'ils ne demandent une reconnaissance. On les met en concurrence parce qu'ils sont plusieurs à demander. C'est une forme de mise en concurrence. Alors, je veux dire que c'est le meilleur qui va gagner, parce que c'est une mentalité comme ça encore. Ça, on est encore loin des marchés privés. Mais c'est clair que ça a du poids dans la balance, que tout un musée vont être mieux, vont avoir une meilleure note que d'autres. Ça, c'est clair. Donc, il y a une mise en concurrence, puisque moyen financier des gouvernements, on va dire, ah, écoute, c'est très bien, mais tu ne remplis pas tes critères, donc tu reviens l'année prochaine. Ça permet en fait de d'économiser de l'argent et peut-être de le donner à d'autres qui puissent renforcer leur mission. Alors, les opérateurs innovants, j'ai mis que c'était plus développé du côté flamand parce que de mon côté, la transparence, donc ça, je vous l'ai dit aussi, c'est l'accès aux informations budgétaires et alors la réflexivité. La création de l'Observatoire des politiques culturelles en 2001, pas si vieux, hein. C'est énorme. Enfin, on se demande. Moi, je peux pas savoir ce qu'ils disaient avant parce que je suis un peu ministère. Et j'ai participé à une étude avec l'Observatoire en 2015. Alors, il y a aussi les grands messes qu'organisent les musées en rassemblant les gens des secteurs. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Madame Larnan, qui avait permis de la culture à organiser les états généraux de la culture en 2015. Et donc elle a fait comme ça par bassin territorial. En fait, c'était par province, quoi, une grande messe où venaient différents intervenants qui parlaient des différents aspects culturels, donc musées, centres culturels, et puis après, ça devrait aboutir à la formulation de recommandations qui ont été rédigées, mais par une fonctionnaire qui était détachée au cabinet. En fait, les spécialités que dans les lettres libres. Donc, toutes les autres matières, les conclusions sont un peu nébuleuses. Donc, j'ai rien écrit dans le cours suivant, bien tout à fait. Mais c'est peut-être pas. Enfin, moi, j'ai pas perçu ça comme une fondamentalement utile. Donc, elle a défini les priorités culturelles, mais elles ne sont pas clairement énoncées. On pense que quelque chose qui n'est pas clairement énoncé ne peut pas être compris. Alors, voilà. Le problème aussi dans ce genre de grand messe, et Madame Mulcair en a lancé une seconde avec son opération d'oublier les lignes, rien de tout, c'est que les acteurs de terrain, ils viennent, et puis en fait ils se plaignent. C'est tout ce qui ne va pas. Et c'est rare qu'on ait des gens du terrain qui disent mais moi je vous propose plutôt de faire ça pour résoudre cette problème. Donc on fait appel aussi dans ces grands messes à des experts, etc., qui viennent eux donner des conseils. Et parfois ça porte des fruits, et parfois ça dépend. Ça dépend aussi des intérêts de Madame Pinker, quand elle a lancé Bouger les lignes, voilà, avec l'Observatoire de la politique culturelle, elle a défini des coupons. Six coupons. Artistes au centre, alliance culturelle, plan culturel dynamique, démocratie, diversité culturelle, entrepreneuriat culturel, nouvelle démocratie. Moi, d'emblée, j'écris aux gens qui travaillent ici, mais moi, j'aimerais bien partir entrepreneuriat culturel, nouvelle démocratie. J'allais me ramener. Le truc est fini. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais alors, par exemple, elle prend artistes au centre. On en arrive dans les conclusions à dire qu'en fait, les musées doivent servir de décor à la création artistique contemporaine. Et c'est ça leur fonction. Mais dans la salle, il y avait qui ? Il y avait des artistes. Tiens, on passe l'argent, on va s'éveiller, etc. Donc, évidemment, il y a du bon pire sort aussi. Je pense que ça va être beaucoup plus négatif. Mais ça a son intérêt parce qu'ils consultent la base. Ou des prestataires. Là, ce n'est pas les usagers, hein. c'est les contrôles, le corps public et les usagers. Et parfois, ça a des bons résultats. Voilà. L'Alliance Culture-École, par exemple, je crois que ça va clairement en termes de musée déboucher, j'espère avant la fin de la législature, sur la création d'un passe musée qui permettra aux 0-12 ans d'accéder gratuitement au musée, aux 12-18 ans de payer un prix très modique. Et puis après, il y aura d'autres tarifs en fonction des âges, des conditions sociales, etc. Et alors, ça entraînera la suppression de la gratuité d'accès pour les scolaires, parce que là, pour l'instant, ils ont un accès gratuit dans les musées reconnus, ce qui coûte 300 000 euros par an en compensation à la culture. Là, ils auront l'accès gratuit jusqu'à 12 ans, ben, et c'est souvent les primaires hein, qui vont dans les musées. Donc, ça, c'est tout bénef. Et alors, ça compensera aussi la gratuité du premier dimanche du mois, qui n'a rien changé aux habitudes des gens qui fréquentent les musées. Quand même savoir la tranche de la population qui se rend le plus dans les musées sont les femmes de mon âge, des cinquantaines d'années, qui ont un diplôme universitaire et qui sont de la classe moyenne, donc qui ont plus une formation, etc. Alors que la gratuité d'accès au premier dimanche du mois visait à faire accéder au musée des gens qui avaient peur d'y aller, parce que c'est une institution un peu tabou comme ça, ou qui impressionne. Donc, il y avait peur d'y aller, ou qui n'avaient pas les moyens de payer l'entrée, etc. C'est le même principe, d'ailleurs, les nocturnes du Conseil pour cela demander, la population qui prend la notion, c'est des femmes de 50 années qui ont les moyens et qui ont un niveau universitaire. Alors, après les années 90, et on va faire ça parce que si on est débarrassé de cette histoire de la culture, donc les frontières de nouveau entre industrie classique et créative deviennent vraiment floues. Alors vous avez des exemples comme Nike et Swatch évidemment, parce que c'est pas très bien si c'est la culture, si c'est du commerce, parce que la créativité dernière, vraiment. Il faut aussi mettre les Hal Swatch là, appliquer des produits du commerce. Et donc ça devient des industries culturelles. Ça veut dire quoi? Que c'est plus sans doute créatif tout ça. Ça devient des choses qui ont rapport au profit. Alors, les biens immatériels, ça je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, qui prennent de plus en plus d'ampleur avec Internet et l'individuel, et qui sont de plus en plus aussi relayés et profitables. Le rôle des grandes villes aussi dans le dynamisme culturel. Là, je vous ai mis Louvre-Lens, Bilbao, c'est une ville d'économie, mais qui entraîne quand même des créations d'emplois, etc., même si elles sont moindres qu'espérées. Il y a des impacts. À Mons, le pôle muséal et les musées qui ont été retapés, restaurés, ouverts, aujourd'hui, après la fin de l'année 2015, c'est un peu pas tout, hein, mais ils fonctionnent tous et ils sont ouverts. Je veux dire, le succès n'est pas le succès escompté. Je vous ai dit, vous avez sûrement entendu parler dans la presse d'un problème du manège, où j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des. De la vie de bien public, etc. Et qu'en plus, quand en 2015 s'est arrêté, ils ont commencé par licencier les autres personnes qui n'ont pas pu stabiliser les subventions. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est parce que les grands manitou s'étaient sucrés largement pendant 2015 et que donc les budgets avaient fondu comme les soleils. Hein. L'omniprésent du capitalisme culturel. Ça aussi, c'est quelque chose. Justement, en y présentant du capitalisme culturel. Dans mon chef, le capitalisme culturel, c'est l'influence de l'Occident sur les autres cultures de la Terre. Bonjour. L'idée est juste. Donc en fait, cette mondialisation de la culture, dont vous parlez, c'est mondialisé, effectivement, par peut-être un peu la théorie avec Yann. C'est quand même clairement le monde occidental et le capitalisme culturel occidental qui domine le monde. C'est évidemment la PAC, ça, c'est le mouvement général. C'est une uniformisation culturelle aussi. C'est pour ça que là, la diversité culturelle devient importante à promouvoir. Alors, donc, on a des politiques culturelles publiques sous-financées. Opposer une capitalisation de la culture de plus en plus prégnante. On a une mutation des politiques culturelles publiques vers une fonction régulatrice alors. Puisqu'elle ne peut plus s'occuper et faire concurrence au privé, elle va le contrôler, le réguler comme elle veut. Oui, alors l'État aussi met en place pour favoriser la culture des processus de défiscalisation de taxes shelter pour l'audiovisuel, vous connaissez. Le Fonds régional d'investissement de la région Wallonne, ou à l'image, est d'économie sous forme d'abord de prêts en partie de dépenses audiovisuelles engagées par la région Wallonne. Non, en région Wallonne, donc ça favorise le développement d'une industrie audiovisuelle en Wallonie. Alors, je vous le redis, les communautés n'ont pas des soucis comme ça parce qu'elles n'ont pas le droit de lever d'impôt, donc elles n'ont pas de rentrée d'argent. Et donc, elles n'ont pas de compétences économiques de facto. Elles sont donc fragilisées, particulièrement évidemment à la communauté française, mais aussi à la germanophone. Alors, il y a les nouveaux acteurs culturels qui émergent. On en a déjà parlé aussi avec, par exemple, les sociétés de communication créatrice d'événements, marketing urbain, on appelle ça, des sociétés spécialisées dans le monde de l'exposition culturelle et temporaire, ce qui fait pour moi de la culture facile. Il n'y a pas de difficulté. Des sociétés organisatrices de salons culturels, design, mode, etc. C'est la commercialisation de la culture. Par exemple, la Brava, qui a eu lieu dernièrement, c'est malade. On fait une fois, vous pouvez une participation pour producteur. Vous allez voir des Antillais, des trafiquants d'art, des marchands d'art, qui vont gérer bien les trucs qui ont été pillés, bien souvent dessus, et même pas que, aussi dans nos églises à nous, dans des bâtiments pas loin, en Europe, etc. Et c'est un événement culturel. Alors, il y a les sociétés aussi consultants spécialisés dans les dossiers de demande de financement européen. Ce sont bien beaucoup d'argent parce que les dossiers européens, c'est pas petit. Quand je fais deux fois, je peux vous dire que c'est un temps plein pendant trois mois quand je vois un dossier comme ça. Et il faut comprendre qu'il y a des sociétés bien en ligne qui se sont développées là-bas. Alors, il y a ceux qui investissent quand même dans la création culturelle, mais c'est pas gratuit tout ça. Hein. On investit dans la création parce qu'après, on y croit et donc on va tirer beaucoup de bénéfices des créations qui vont émerger. Donc, les anciens acteurs culturels, dont certains conservateurs de la Rive, par exemple, sont un peu dépassés. Alors, il y a aussi les sociétés privées liées aux emplois culturels, comme la SBS Smart. Et ça, c'est pas du lucratif qui compte, c'est vraiment du service. Et bon, c'est émergent. Et donc, du coup, là aussi, les pouvoirs publics doivent structurer, encadrer. Attention, c'est un nouveau type de société qui s'occupe des droits des artistes, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, création des pouvoirs publics. Alors, il crée aussi des agences internationales culturelles donc pour être à la hauteur de ce marché mondial. Et ça marche assez bien. Je dois dire, la fédération a par exemple Colombie-Bruxelles Théâtre, Colombie-Bruxelles Musique, Colombie-Bruxelles Design, Image, qui sont des agences qui sont reconnues internationalement et qui font du bon boulot pour la promotion aussi des productions culturelles de chez nous. Alors, il y a donc la collaboration avec la WEX et la région Wallonne pour essayer d'allier promotion culturelle et intérêt économique. Donc, il y a une obligation qui part avec le roi ou la route par exemple, et d'allier aussi des gens qui essayent de faire des alliances culturelles et économiques. Alors, il y a aussi tout l'aspect démocratisation en faveur des groupes sociaux. On est mis d'habitude par des exclusions ou des inclusions. Donc, mais aussi les gens qui ont peu de moyens, parce que c'est l'article 27. Donc on assure à ces gens-là des accès sur les plans pécuniaires, etc., mais aussi intellectuels, sur l'accessibilité dans le culturel, c'est pas seulement le prix, hein. C'est qu'il faut pouvoir y arriver, pouvoir comprendre ce qu'on va voir, il faut pouvoir payer évidemment si on veut quelque chose, mais il n'y a pas. Il faut comprendre aussi le langage culturel, il n'y a pas que la fonction intellectuelle. Alors, il y a la réduction de la fracture numérique qui fait aussi partie de cette démocratisation de la culture. La médiation culturelle qui devient quelque chose de fondamental depuis les années 70. On met ensemble, avec la coupole culture école de Mme Miguel, c'est ensemble culture et enseignement. Je ne sais pas si vous êtes encore allé au musée quand vous étiez à l'école. Moi, ça m'arrive assez souvent, mais c'est parce que c'est une école dynamique en termes de découverte culturelle. Il y a des écoles, mais bon, jamais. Alors, le rôle de l'éducation dans la formation culturelle, évidemment, c'est fondamental, surtout de nos jours. Le rôle des politiques publiques dans la formation artistique et culturelle, enfin, les écoles artistiques, les écoles d'art et tout ça, c'est aussi la communauté française. Hein. On va finir le point 2, parce qu'il y a encore des points après, et ça, je continuerai par ça à la forge. Sinon, on va être ici. Alors, la diversité culturelle, multiculturalisme, ça, j'en ai parlé, donc, c'est permettre à tout un chacun d'exprimer sa culture, ou ses spécificités culturelles, son identité culturelle, et contrer par là aussi ces mouvements dits populistes, même si on ne le sait pas tous, je dis pas ça parce que je suis contre, hein, au contraire, mais qui montent à gauche et en droite, hein, nous verrons d'ailleurs sur les résultats des élections que nous avons pas étudiées en France. Et donc c'est une manière de lutter contre les revendications identitaires qui sont sous-jacentes de ces mouvements politiques extrémistes. Et là aussi, c'est parfois difficile de faire la nuance entre moi j'ai cette culture et cette culture est vraiment très communautariste, très protectionniste. Par exemple, si on mettait des politiques en place pour préserver la culture mormone à Bruxelles, ça serait quand même. Donc, c'est quoi la limite? Parfois, c'est pas facile à tracer. Alors, en plus, nous, on est bien passé pour le multiculturalisme, hein, la Joséphine. Déjà qu'il y a un talent officiel, on est tous les deux dans notre part. Donc c'est un enjeu important. Alors je vais faire la commande pour ça, je ne pourrais pas laisser. Le gouvernement flamand refuse que la Belgique signe une charte européenne sur le respect des minorités, car il serait obligé de considérer les francophones de Flandre comme des minorités. C'est décidé. Les communes d'infacilités ont toujours posé le projet en Flandre et pas en Wallonie. Mais bon, toutes les questions de l'ordre. Alors, la démocratie participative, ce sera pour la fois prochaine, parce que même moi, j'ai commencé à être ici. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous propose de venir en ville, le cours n'aura pas lieu ici.